Autrefois, aujourd'hui. C'est-à-dire que non, maman, c'était comment autrefois? Comment c'était quand tu étais jeune comme moi? C'est-à-dire que non, maman, est-ce que tu regardais la télévision autrefois? Est-ce que tu regardais la télévision quand tu étais jeune comme moi? Non, mon cher Adam, il n'avait pas de télévision. J'écoutais la radio quand j'étais jeune comme toi. Arrière, grand-maman, est-ce que tu prendrais l'avion autrefois? Est-ce que tu prendrais l'avion quand tu es jeune comme moi? Non, mon cher Adam, je ne prendrais pas l'avion. Je prenais le train quand j'étais jeune comme toi. Arrière, grand-maman, jouais as-tu des vidéos autrefois? Est-ce que tu jouais à des jeux vidéo quand tu es jeune comme moi? Non, mon cher Adam, il n'y a pas de jeux vidéo. Je jouais à des jeux de société quand j'étais jeune comme moi. Arrière, grand-maman, est-ce que tu avais des jouets en plastique autrefois? Est-ce que tu avais des jouets en plastique quand tu étais jeune comme moi? Non, mon cher Adam. Il n'y avait pas de jouets en plastique. Je jouais avec des jouets en bois quand j'étais jeune comme toi. Arrière, grand-maman. Est-ce que tu étais heureuse quand tu étais jeune comme moi? Oui, Adam. J'étais heureuse quand j'étais jeune comme toi. J'avais une grand-mère qui m'aimait autant que je t'aime, toi.